comme si de rien n'était. On vous la chantait. Je reste le même. J'avance pour pouvoir oublier. Même si je sais, demain je me relèverai. Car je suis le même. Patience, je vais y arriver. Car je reste moi-même. Attends, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que je fais?